the three upcoming songs. The first one is from Danakil with Rendez-nous la justice. You know, if you want peace, you got to give us justice. And then we're going to listen to Saez with Tous les gamins du monde, All the kids in the world. And it's from Le Manifeste, L'Oiseau, La Liberté. And it's about extremism and, you know, about kids in general, how they are innocent and that we have all like some big big things in common, like the liberty and culture, and that the violence will not bury those. And then Pierre Perret with Amour, Liberté et Vérité. All right, on y va. Quand on aura la justice, quand on aura le respect, tout le monde y gagnera. Quand on pourra se parler, est-ce qu'on y arrivera? Si vous mentez à la télé sur des choses que tout le monde croit, parce que toute la vie est filmée, ça met le peuple aux abois. On réagit comme des humains, je dirais comme n'importe qui. Alors on comprend pas le traitement particulier pour les képis. Tout se sait, tout se voit, on n'encaisse plus. Quand y a pas vu, la justice n'enquête plus. C'est normal que les gens occupent la rue, et ça pourrait durer, y'a trop d'abus. Vous aurez la paix quand on aura la justice. Justice, vous aurez la paix quand on aura la justice. Vous voulez la paix, rendez-nous la justice. Jouer les imbéciles, faire comme si vous ne compreniez pas, alors qu'il serait si facile pour vous de faire le premier pas. N'ayons pas peur de le dire, car c'est aussi simple que ça. Tout ce que les gens désirent, c'est l'égalité des droits. Un mensonge, même répété mille fois, reste un mensonge. Est-ce qu'on a l'air si con, c'est étrange? Est-ce le pouvoir qui tourne la tête? Ou ces gens sont-ils nés malhonnêtes? Il est temps que l'État le reconnaisse, que la justice elle-même se reconnaisse. Leur système favorise l'impunité, des cafés on raconte les vies brisées. Vous aurez la paix, la justice. Vous voulez la paix, rendez-nous la justice. Vous aurez la paix quand on aura la justice. Vous voulez la paix, rendez-nous la justice.

Et voilà, you're back with Bonjour Minnesota on KFAI Radio. I hope you didn't go anywhere. There was like three great songs. The first one was from Dan Akil, Rendez-nous la justice, give us back justice. And, you know, he's talking in the songs about how some politicians, you know, even repeating lies after lies after lies and repeating it and repeating it doesn't make it true. And, you know, they really think we are dummies. Then there was Saez with Tous les gamins du monde, all the kids in the world. And, you know, that, I mean, this song was done like after Charlie Hebdo and some terrorist attacks. So Saez is talking about all the things that make friends great and the fact that, you know, love will prevail and that sort of thing. Then the last one was from Pierre Perret with Amour, Liberté et Vérité, Love, Liberty and Truth. Voilà, so these was three songs. Again, tonight is a theme about liberty and justice and being together and that sort of thing. So it's to celebrate MLK, to celebrate Charlie Hebdo, to celebrate January 6th. All right, so we're going to listen to more songs. We're going to listen to Les Amis Gratteurs. It's kind of a combo of ami and migrateur. Ami is friend and migrateur, you know, migrateur is like migrants. It's people or animals moving around. And then the name of the song is Démocratie. Then we're going to listen to Tina Charbonneau with Tous Ensemble, All Together. And we're going to listen to Kids United Nouvelle Génération. So it's number two. The second round, and the name of the song is Ensemble, or Together. There's a lot of songs that have the same title, but they are all different and different genres and styles and things like that. So, all right, on y va. Liberté, juste une vague idée de l'homme. Raconte-moi, maîtresse, sur ton vieux tableau noir. Pourquoi c'est comme ça? Égalité, tu veux redessiner Marianne dans les couleurs d'un monde sans ses lois. Sans armes, sous l'étendard, fraternité. Y'a les couleurs qui se perdent aux Méditerranée. Viens donc partager ma terre. Je te raconterai ce qu'on fout là. Démo, démo, démocratie. Ta république perd son souffle. Démo, démo, démocratie. C'est le retour des rois, j'étouffe. J'avais raconté au grand-père, tout irait mieux après la guerre. Moi je te promets, j'y croirai pas tant que je vois de la misère autour de moi. Et président, il y a des chansons qui se perdent. 18 connards sur 100, mauvais arguments pour se taire. La plume ou l'épée, tu as le choix. La peur ou la paix, c'est toi qui vois. Démo, démo, démocratie. Ta république perd son souffle. Démo, démo, démocratie. C'est le retour des rois, j'étouffe. D'ici là, on n'a qu'à refaire première et deuxième déclaration des droits d'un homme à mettre une grille à sa fenêtre. Démo, démo, démo, démo, démo, démo. ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et puis l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord. Pour tout le monde, j'ai envie de faire de cette terre l'Éden. Aussi vrai que notre terre est bien ronde, ta main dans la mienne, je t'emmène et on changera le monde. Ensemble, tu sais qu'on est. Tu m'aimes plus fort. Prends-moi la main, petite sœur, petit frère. On ne connaît pas de frontières. Ensemble, tu sais qu'on est plus fort. On s'aime encore les grands, on tort. Et voilà, it was three songs. The first one was from Les Amigrateurs with Démocratie. The second one was from Tina Charbonneau with Tous Ensemble. And the last one was from Kids United Nouvelle Génération with Ensemble. I was saying that I was going to talk about cinema in general. So the first part is that yesterday I just started to subscribe to CineSense. So Cine, C-I-N-E, and Sense, S-S-A-N-C-E, .com. CineSense.com. It's a mix in between cinema and Renaissance. And it's a streaming platform that specializes in French movies. Or movies in French. I was able to see the playlist. I mean, I was able to see the film list even before I signed up for it, so I was interested. But now I was able to start my list and, you know, cue them as what I want to watch. So many choices. And a little bit later, we'll talk about this UniFrance festival and then about the Trianon cinema, which has a couple of dedication coming up this spring. So now we're going to listen to more songs. We're going to listen to Pierre Raspat with Ensemble, or Together. Then Selina Ramsauer, also with Ensemble, featuring Georges Seba and Les Chœurs de Gospel de Paris. And then Alpha Blondie with Journaliste en Danger, Journalist in Danger. And he's referring to some journalists who got killed in Burkina Faso, but in Africa in general, by dictators, you know, because they were not keeping quiet. All right, on y va. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, ensemble, ensemble. Étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre. Et tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est. Savoir traverser

is going to have two French directors being celebrated. So the first one is going to be in March, and I'm not going to give you like all the details. I'm going to post it on social media, but the first one is going to be dedicated in March to Henri-Georges Clouzot, and one of the best, the greatest director of the 20th century. And each weekend, a movie will be dedicated, will be playing. So it's going to be The Wages of Fear, which I've seen in the past when I was in France, and it's excellent. Then the following weekend is going to be Diabolique. Oh, Wages of Fear is with Yves Montand and Charles Vanel. Diabolique is with Simone Signoret, Vera Clouzot, and Paul Meurice. And I've seen it when I was here, so, and it was really good too. Then three other movies. So there's going to be Le Corbeau, or The Crow, which is about, you know, someone denouncing other people. Then Quai des Orfèvres, which is in Paris, and that's typically where the cops are. And La Vérité, or The Truth. So each weekend, there's going to be like multiple viewing, you know, Friday, Saturday, Sunday, and different times and hours. So I will post it. And the second one I wanted to talk about is Agnès Varda in May. So each weekend is the same thing. She was the mother of the New Wave. She passed away not very long. And Martin Scorsese once referred to her as one of the gods of cinema. So the first weekend is going to be on May 1st, Cléo from 5 to 7. That I've seen, and it was really good. Then Le Bonheur. And the weekend after that will be One Sings, The Other Doesn't. And Vagabond, with Sandrine Bonner, Macha Merrill, and Stéphane Frays. Murmure. And it's a play on word because it's going to... I mean, there's a lot of way to spell Mur, and it's funny. And then, to finish, it's going to be Documentaire. All right, so I'll post all of that, but if you want more details before I post it, because I'm not always, like, right on the money, you know, maybe you're just impatient, you want to know what's going to play, you can go to the trylon.org, trylon.org. Right, so now we're going to listen to three more songs. The first one is going to be from L'Accent, or The Accent, called La Démocratie. Then we're going to listen to Kenza Farah with Tous Ensemble, All Together. And then we're going to listen to The Boys with Ma Liberté. My Liberty. All right, on y va. C'est parti. Bien avant Jésus, esclavage pour des inégalités sociales. Athènes en taille, Athènes de taille. Une nouvelle classe urbaine émergée conteste que les pauvres conservent, ce que les nobles conservent. La démocratie jaille, la démocratie jaille. Le pouvoir au peuple ne lui appartient plus. En France, il est parti dans les partis. Bien réparti, véhicule l'empathie. On joue dans leur partie et la terre en pâtit. On est devenu le problème. En fait, on est la solution. Pendant qu'on les juge, ils nous perdent. Ne font que s'adapter à l'opinion. Poudre aux yeux, un véritable spectacle de magie. Ils ont l'idée, nous avançons. Le jeu se nomme démocratie. Notre socle, oui, on retire notre socle, même si le cube est jeté. Si on retire notre socle, ne pas s'éloigner des autres, renverse les règles de l'échec. Puisqu'on est né dans un pays en démocratie. En démocratie, oh. Puisqu'on est né dans un pays en démocratie. En démocratie. Oh, on pense qu'il est grand temps de montrer les vertus de la vie.

tout va bien. Je ne veux plus retourner d'où je viens. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. Started in the early 80s and still there every Tuesday night, 8 to 10. And week in, week out, there's a, except when there's a presidential election, which is on Tuesday too, we're pretty much there. We've been there throughout the COVID and we've been recording the show at home and, you know, like, Zoom in it, and it's still a little bit iffy for the COVID, but at some point we'll have guests again. So yeah, we just listened to three songs: L'Accent with the song La Démocratie, then Kenza Farah with Tous Ensemble from the album Oriental Family, and then The Boys, Ma Liberté, and it's what we heard last. So again, it's an evening dedicated to MLK, January 6th, and Charlie Hebdo. So MLK is this upcoming Monday. I don't know if you have it off. Now we do. The first years we didn't at my work, but now we both have MLK and President's Day. So yoo-hoo! And yeah, and I mean, Charlie Hebdo is an ongoing battle. So we're going to listen to more songs. But before that, I would like to talk about a couple of events coming up with the Alliance Française. The first one is Wanderlust in Color Exposition. Ah, je peux plus parler là. The Danab Bjorum. It's on Tuesday, January 13, from 6 p.m. to 7:30 at the Alliance Française itself. And it's an exposition, so she has paintings, it's my understanding. And it's the 100-day project in 2021, which started with a simple series of paper collage transformed into a visual diary of past travels and sentimental places. So it's at the you have to register for the opening on the for the 13. But once the opening is, and there's some like COVID precautions to take and things like that. And but once the opening is over, after that, you can go any day at the Alliance Française, Monday through Thursday, you know, like 9 a.m. to 7 p.m. and Fridays and Saturdays from 9 to 4. And the exhibition will be on display until February 19th. So go check it out. She's a Minnesota native. And then on Saturday, January 15th, from 2:30 to 3:30, there's Lecture Facile, or easy reading. Read French text together with our beginner club. It's at 2:30 on the third Saturday of each month. This event is held online or registered will receive a Zoom link. So check it out. And for in both cases, you can go to afmsp.org and check out the events. And they are there and you can register. This month, they will be reading Astérix et les Normands. Astérix is the Gallic guy who's beating everybody because he has a magic potion. And les Normands are people from Normandy. But I think it might be the Vikings in this case. Not sure. I haven't read it for a very long time. Plus, in France, there was two schools. There was Tintin and Asterix. And I got to have the books from Tintin. All right. Well, we're going to listen to more songs still dedicated to democracy, justice, peace, you know, being together. So now we're going to listen to Amadou and Mariam. We're originally from Mali. It was great to have them in the Twin Cities like several years ago. I wish they would come back at some point. And we're going to listen to La Paix, or The Peace, from their album Dimanche à Bamako. And then we're going to listen to Les Nubians with Liberté from their album New Revolution. And Chimène Badi with Ma Liberté, and it's a live version. All right, on y va. Yeah. suis prête. Changer, voir le monde changer à la faveur d'un rêve. Es-tu prête? Qui m'a aidé à larguer les amas. pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sous un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, oh ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. J'ai trahi pour une prison d'amour. Et sa belle geôlière. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. We just listened to three songs to celebrate MLK and Charlie Hebdo and January 6th, and you know, so all the theme all about liberté, peace, and being together, and democracy, and things like that. So we just listened to Amadou and Mariam with La Paix. Then after that, it was Les Nubians with Liberté. And just now, it was Chimène Badi with Ma Liberté, which was live from the Olympia. All right, talking about more movies. You know, I told you, like, I talk about a trial and I talk about Cinescence. I'm going to talk, I'm not really going to talk about it, but there's a link. I mean, if you go to colcoa.org, it's like a platform with where you can rent movies for a small fee, a lot of French movies. So you can check it out. And Colcoa is colcoa.org. And then there's also My French Film Festival. So it's really spelled out, myfrenchfilmfestival.com. And it's an innovative concept whose goal is to shine a spotlight on new generation French language filmmakers. And so you go there and there's a small fee if you want to watch each movie. There's some region of the world that gets them for free and they change each year. But the festival pack is really affordable and it lasts for a month. So, I mean, like the festival is a month long. So you really have time to watch it, you know. I mean, it just started. So I believe it's going until, so it's from January 14th. So it didn't just start it. It's going to start soon until February 14th. And it's the 12th edition. And to finish, for people who are local, the Saint-Anthony Man has been taken over by the MSP Films Society. So they are doing like some renovations and things like that. But in the meantime, they're having some virtual movies and they're having a couple. But one that you might be interested in is called France. And it's a movie with Léa Seydoux, and it's a critique about, you know, the media and the journalist, and it sounds really awesome. So check it out. I mean, there's an online fee and they need to survive. They are a non-profit. So just by going and watch it, you're doing a good deed. And yeah, I think that's about it as we get to movies. So Kolkoa, My French Film Festival, and MSP Film Society. All right. Well, we're gonna keep on listening to songs about liberté and democracy. So we're gonna listen to Tagada Jones with "Je suis démocratie" from their album La Peste et le Choléra. Then Les Berruriers Noirs with "Liberté" and Charles Aznavour with "Liberté." So there's a little bit of it's gonna start pretty strong because Tagada Jones is pretty strong in general. And Berruriers Noirs is pretty punk. And then we're going to slow down with Charles Aznavour, and the series after that will be a little bit quieter too. So if you like to rock the house, that's the time for it. Je suis n'importe qui, mais je sais qui je suis. Je suis fraternité, liberté d'expression. Je suis laïcité, liberté d'opinion. Je suis liberté de culte, bien sûr aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas Marine, je suis démocratie. Je ne suis pas Poutine, oui je suis Charlie. Oui je suis Charlie. Je suis un enfant de la démocratie. Je suis libre penseur, je suis anarchie. Je suis un soldat de l'art des envies. Je suis caricature et ironie. Je peux mourir de rire, le système le dit. Je peux rire de tout, de n'importe qui. Je peux vivre libre, je suis insoumis. Je suis pas religion, je suis philosophie. Je peux contrôler

Then after that, it was Berruyer Noir with Liberté and Charles Aznavour just now with Liberté. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we are also on social media, so feel free to check us out. First, if you want to listen to our show again, or if you miss our show because you're not available on Tuesday night, which happened, I mean, I am always because I have to be here, but if you're not available, you can always go to KFAI.org, check for the program Bonjour Minnesota, and when you get to our page, you'll see the archive, so you can listen to the previous week, the full 2 hours, so you're not missing anything, just catching up. Then we're still celebrating MLK, Liberty, and Justice, and things like that, so now we're going to listen to more songs. We still have 15 minutes, and we're going to listen to Carla Bruni with Liberté from her album Little French Songs. Then Raphaël Angelini with Liberté, and then Grégoire with Liberté. And yeah, and I'll be back after that. But check us out on Facebook also, because when there is some events that are interesting, whether it's Les Victoires de la Musique or some online French film festival, it's, you know, we talk about it, so check it out. In the meantime, here's some more music. Des feuilles à ses branches, elle a mis des voiles à son mât, enfilé ses plus jolis bas, brûlé ses habits du dimanche. Elle a regardé l'existence, tous ses souvenirs entassés dans son cœur comme des cendres, tous ses rêves à demi fanés. Alors elle a murmuré: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on entendit murmurer: liberté, liberté, liberté. Ooh, liberté, tu dois bien exister. Il s'est fait un royaume étrange entre le mur et le caniveau, à l'abri d'un kiosque à journaux. Il a choisi sa résidence. Il n'a pas connu de vendange, ni de douceur au fil de l'eau. La cruauté, l'indifférence se sont penchés sur son berceau. Mais on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Ooh, liberté, tu dois bien exister. Oui, on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Bien exister. On peut l'ajuster à ses hanches, s'en envelopper comme d'un manteau, la porter à même la peau, bien au chaud sur son ventre, niché dans son dos. On peut se la jouer carte blanche, la brandir tout comme un drapeau. On peut la glisser dans sa manche, la cacher sous ses jupes pour en faire son credo. À chacun sa fleur ou sa fange, à chacun son tout premier mot, à chacun sa cave et sa grange, à chacun sa rue, son bistrot, à chacun son âme de faïence, à chacun son ombre au tableau, à chacun ses trois pas de danse, à chacun son genre de tombeau. Mais il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, il nous reste à rêver. Liberté, liberté, liberté. Ooh, liberté, tu dois bien exister. Thank you. et ça, faudrait pas Et voilà, we just listened to Carla Bruni, the ex-First Lady of France at some point, with Liberté. Then it was Raphael Angelini with Liberté. And just now it was Grégoire with Liberté. And I don't know how much we're going to be able to listen, but the upcoming song are Plume La Traverse with La Liberté, c'est une chanson. Then Alain Souchon with La Chanson Parfaite. And Pierre Akende with Libérer la Liberté. I don't think we'll have time for this one, but Souchon and Plume La Traverse. And I just wish you a good night, you know, stay warm. Temps in Minnesota are coming back up. We were at the freezing mark today, so that's yoop-de-doo. Anything above zero is good anyway. And yeah, we'll be there next week. If I'm not, the guys will be there, and you'll have some French music to listen to. All right, on y va. Répond de vive voix, elle gambade sur les grands chemins. Elle est un peu sans foi ni loi et elle glisse entre les mains. On ne peut pas l'emprisonner ou la soumettre à la rançon. On entend sa voix résonner, la liberté c'est une chanson. Elle imagine tout ce qu'elle veut, elle est révolte et frénésie. Elle a la franchise de l'aveu, l'espérance de la poésie. Elle est le souffle qui nous rassemble et qui nous prend dans sa moisson. Elle est l'idée qui nous ressemble. La liberté, c'est une chanson. On y répond de vive voix, elle gambade sur les grands chemins. Elle est un peu sans foi ni loi et elle glisse entre les mains. On ne peut pas l'emprisonner ou la soumettre à la rançon. On entend sa voix résonner. La liberté, c'est une chanson. Elle entretient les illusions, elle le voltige, elle le réclame. Elle est le rêve et l'évasion, elle est le sous-vêtement de l'âme. Elle éclot entre les oreilles comme un petit effet de boisson. Et ce n'est plus jamais pareil, la liberté c'est une chanson. Pierre Vallière, Insoumis. Francis Simard, pas plus soumis. Charles Gagnon, tout court. Robert Como, professeur, ex-Felkis. La liberté, c'est une chanson. Bon. Quand le fantôme de la liberté, quand d'autres fantômes vient se concerter, il peut donner aux esprits qu'il hante des visions on ne peut plus différentes, qui en éclairent divers aspects, qui foutent la guerre, qui foutent la paix. Pour concerter le fantôme de la liberté, palpable comme une chanson, les personnages eux-mêmes le sont. Pour concerter le fantôme de la liberté,